إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va commencer maintenant un nouveau livre pour le mercredi. C'est un livre qu'on commence donc aujourd'hui. Et le livre en arabe s'intitule قَطْعُ الْلُجَاجَةِ بِشَرْحِ صَحِحْ الْمُقَدِّمَةِ مِنْ سُنَنِ الْإِمَامِ ابْنِ مَاجَةِ، écrit par l'imam يعني سُنَن ابْنِ مَاجَةِ. C'est écrit par l'imam, son nom c'est l'imam Ibn Majah, son nom au complet c'est Abu Abdillah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, mais on l'appelle le plus souvent Ibn Majah. On l'appelle le plus souvent Ibn Majah, mais son nom au complet c'est Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini. Il est né en l'an 209 de la Hijra. Et il est mort en l'an 273 de la Hijra. Rahimahullah ta'ala. Un des grands imams parmi les imams du hadith et de la sunnah, parmi les imams des salaf al-salih. Naam. Donc, le livre en question, c'est donc l'introduction de Sunan ibn Majah, et avec les commentaires de Cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, hafidhahullahu ta'ala, qui est un des ulama, parmi les ulama à Médine, al-Madina al-Nabawiya. Et donc, c'est un livre qu'il a écrit, un commentaire de Sunan ibn Majah. Et donc, on va le lire ensemble, inshallah. Essayez de profiter. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter sa lecture et sa compréhension et sa traduction. Donc, pour commencer, Cheikh Ubayd, hafizahullah, il fait khutbat après avoir mentionné khutbat al-hajja. Il dit que, yani, il dit amma ba'd, فإنه من المتفق على فضله وإمامته بين أهل السنة الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني، مصنف السنن والتاريخ والتفسير، وحافظ القزوين وحافظ قزوين في عصره. دوك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوك، c'est parmi le cheikh dit c'est parmi les imams au sujet duquel tous les ulama d'Ahl Sunnah et les gens d'Ahl Sunnah sont d'accord sur le fait que c'est un homme de vertu et de mérite, que c'est un imam dans la Sunnah. Tous les gens de la Sunnah sont d'accord à ce sujet-là. Et c'est Al-Hafidh, le mémorisateur de la Sunnah, de la religion, Al-Kabir, il est un grand savant, Al-Hujjah, c'est une référence, une preuve dans la religion. Al-Mufassir, le savant de tafsir, c'est-à-dire il est un savant également dans l'explication et l'interprétation du Coran et également de la Sunna. Et son nom, comme on l'a dit, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, qui est né en 209 et qui est mort en 273. Et il a, parmi les livres qu'il a écrits, il a écrit As-Sunan, un recueil de hadith, parmi les Sunan, et At-Tarikh, un livre sur l'histoire, et Tafsir, aussi un livre sur le tafsir. Et c'est le savant, le grand mémorisateur de la région de Qazwin à son époque. Donc, c'est un des grands imams. Le cheikh dit « وَقَالَ مُقَيِّدُهُ كَمَا أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى إِمَامَتِهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهِ كَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كِتَابَهُ السُّنَنِ مِنَ الْأُصُولِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ الْحَدِيثِيَةِ وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ لَنَا شرح صحيح المقدمة منه للإمام العلم المحدث في هذا العصر بلا منازع أو بلا منازع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وقد توخيت في هذا الشرح بيان ما تضمنته تلك الأحاديث الصحيحة من أمور العقيدة باختصار وسميته قطع اللجاجة بشرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه وسلكت فيه نهج جميع شروحي من عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من الصور وخرجت شواهدنا من الحديث بذكر الكتاب والباب إذا كان الحديث في الأمهات الست وما ماثلها وكذا وإذا كان في غيرها أحلت على الجزء والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء الله أسأل السداد والله أسأل السداد في الأقوال والله أسأل السداد في الأقوال والأعمال وأن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع ويجعله نصرة للسنة نافعا لأهل الإسلام ثقيلا في موازين أعمالنا يوم نلقاه سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكتبه الفقير إلى ربه عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا. Donc le cheikh il commence ce livre en disant que de la même manière que nous sommes tous d'accord, que tous les imams, tous les ulamas de Ahl Sunnah sont d'accord sur le fait que l'imam Ibn Majah c'est un grand imam de l'islam, de même qu'ils sont d'accord sur le fait que son livre As-Sunan, Sunan Ibn Majah, fait partie des fondements de la religion, c'est-à-dire que c'est un des livres de hadith de référence parmi les sunan. Et on les appelle al-kutub al-sitta, c'est-à-dire les six livres. Et ça, c'est les six livres de hadith les plus reconnus, les plus importants. Et ces six livres-là, c'est lesquels? C'est Al-Bukhari, Muslim. Après, c'est Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Nasa'i. Ça, c'est les six livres de hadith les plus importants. Donc, ce livre, le livre de Sunan Ibn Majah, il fait partie des références dans la religion. Et le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité l'explication de son introduction. Et également, il dit, il nous a été permis, ou bien plutôt Allah nous a facilité l'explication de l'introduction de l'authentique du Sunan Ibn Majah. Quand on dit de l'authentique de Sunan Ibn Majah, c'est-à-dire Sahih Sunan Ibn Majah. Et ça, c'est pour quelle raison? C'est parce que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a écrit qu'est-ce qu'on appelle Sahih Ibn Majah, et il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tahrij et le tahqiq de ses livres de hadith. Et il a séparé les sahih de ce qui est da'if. C'est-à-dire, il a séparé qu'est-ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et donc, Sunan ibn Majah, maintenant, tu peux trouver dans les livres de Cheikh Al-Albani, Sahih ibn Majah et Da'if ibn Majah. Parce que, yani, il les a séparés les deux. Et donc, lui, qu'est-ce que Cheikh Ubaid, hafizahullah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'explication du Sahih. Uniquement les hadiths sahih, pas les autres. D'accord? Le cheikh, il dit ensuite, donc il l'a intitulé, il dit parce que dans son introduction, l'imam Ibn Majah, il a fait l'introduction. Et l'introduction de l'imam Ibn Majah, c'est au sujet, c'est des hadiths au sujet du manhaj, et de la aqida. Donc, en expliquant donc cette introduction-là, on va voir en même temps le manhaj de l'imam Ibn Majah, puisque ça résume en même temps sa position face à ces questions-là et comment l'imam, on peut montrer que l'imam Ibn Majah fait partie des grands imams de la sunna et il fait partie des imams des salafs. Donc, le cheikh, il explique et il dit qu'il a suivi dans cette explication de ce livre la même méthodologie, la même façon qu'il utilise dans ses autres explications, et qu'il cite les versets qu'il cite du Coran, il les mentionne. Et également, il a fait le tahrij des hadiths. Il dit, il dit, kharajtu shawahidaha min al-hadith bi dhikr al-kitab wal-bab. Donc il a mentionné les autres hadiths. S'il y a un hadith par exemple qui est relié au sujet du hadith qui est mentionné, il va mentionner les autres endroits où ce hadith là se trouve dans les autres livres de hadith, dans les kutub sitta. On appelle ummahat, al-ummahat sitta, les six livres de hadith. Et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la parole et les actions droites, et d'accepter de notre part cet humble effort, et qu'il fasse que ce soit une défense pour qui soit bénéfique pour les gens de l'islam, ahlul islam, et que ce soit lourd dans les balances de nos œuvres le jour où nous allons le rencontrer. Et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons et sur sa famille. Naam. Donc on va commencer, inshallah, le livre. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله في سننه فيما انتقاه الشيخ الألباني في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومحبيه. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le شيخ الإمام الشيخ محمد بن يزيد بن ماجة القزويني il commence donc son livre dans ce que le شيخ الألباني a يعني mentionné comme hadith authentique dans cette édition qu'il a fait de Sahih Ibn Majah. Il commence et il dit: salut et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur ses compagnons. Et là, donc le cheikh il dit le chapitre au sujet de suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ittiba' Sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il explique ici, il dit: An Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Ma amartukum bihi fakhudh ma nahayt ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu أو فانتهوا وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال الشيخ الألباني صحيح, يعني حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, نعم. donc je recommence. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال الشيخ الألباني صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال الشيخ الألباني صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله. قال الشيخ الألباني صحيح. Donc ça c'est les trois premiers hadiths qui sont mentionnés dans ce chapitre, le premier chapitre dans l'introduction de l'imam Ibn Majah, qui s'intitule le chapitre du suivi de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite comme premier hadith le hadith selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je vous ai ordonné de faire, prenez-le, et ce que je vous ai interdit, alors cessez de le faire. Cheikh Al-Albani il a dit que ce hadith est sahih, donc c'est un hadith sahih. Le deuxième hadith qui est mentionné, c'est selon Abi Huraira radiallahu anhu. Encore selon Abi Huraira. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez-moi tant que je vous laisse. Hein? Parce que ce qui a fait périr les gens qui étaient avant vous, c'est uniquement leurs nombreuses questions et leur divergence avec leur prophète. Donc ils posaient beaucoup de questions et ils divergeaient avec leur prophète. Et il dit: si je vous ordonne quelque chose, prenez-en ce que vous êtes capable de faire. Et si je vous interdis quelque chose, alors cessez. Et le hadith ensuite, le troisième hadith qui est mentionné, c'est selon Abi Huraira radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit a certes obéi à Allah, et celui qui me désobéit a certes désobéi à Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Ça c'est le hadith, il est rapporté par on a dit selon Abi Huraira, et Cheikh Al-Albani l'a dit aussi à propos de ce hadith là, il est sahih. Donc ce sont trois hadiths. Maintenant le Cheikh Ubaid hafizahullah, il va faire le charh de ce hadith, de ces trois hadiths. On va commencer avec ça. Le Cheikh hafizahullah ta'ala, il dit: alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الأحاديث وما سنستمر فيه إن شاء الله دونه ابن ماجه رحمه الله في موضع من سننه سماه كتاب المقدمة والمقدمة ما يقدم الشيء ويتقدم عليه حسا أو معنا فهو إمام ما بعده. والملحوظ هنا أن القزويني رحمه الله هو إمام من أئمة السنة، جعل كتاب المقدمة في مسلك أهل السنة في الأقوال والأعمال، فصدر كتابه بها، وهذا يدل على عظيم مكانة السنة والدعوة إليها عنده. فكأنه رحمه الله يقول: هذه أحاديث تتضمن الحظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقاد، فهو يدعو إلى هذا هذا الأمر وهو الأمر الأول. Donc le Cheikh explique, il dit: louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille, sur ses compagnons et ceux qui ont suivi sa guidance, Ensuite, il dit: voici quelques hadiths. Donc, ça, il dit ces hadiths-là, et nous allons continuer par la suite, inshallah. Mais ces hadiths que l'imam Ibn Majah a rassemblés dans cette partie de son Sunan, Kitab al-Muqaddima, l'introduction, le chapitre de l'introduction, eh bien, on voit que il a mis dans cette introduction des hadiths, étant donné qu'il fait partie des imams de la sunna, il a fait que l'introduction de son livre soit sur la voie des gens de la sunna, dans les paroles, dans les actions, et il a donc mis ça comme introduction dans son livre. Et al-muqaddima, ça veut dire qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est au-devant de quelque chose, soit en avant concrètement ou bien dans le sens. Donc c'est qu'est-ce qui est au-devant du reste. Et donc, le cheikh, il explique donc que cette introduction, étant donné que c'est un imam parmi les imams de la sunna, son introduction est au sujet de la voix des gens de la sunna, comme on a dit, dans les paroles et dans les actions. Et donc, il a débuté son livre par des hadiths qui parlent de ces questions-là et de ces sujets-là. Donc, c'est donc un chapitre très important. Et le cheikh il dit: وهذا يدل على عظيم مكانة السنة والدعوة إليها عنده. Ça c'est la preuve, c'est une grande preuve qui indique l'importance immense qu'occupait pour cet imam le fait de suivre la sunna et d'être sur la sunna et d'appeler à la sunna. Donc ça montre cette grande importance là pour cet imam. Et donc, c'est comme s'il disait, voici les hadiths qui impliquent l'incitation à rester accroché à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans les paroles, dans les actions et dans la croyance. Et donc, c'est-à-dire qu'il invitait les gens à, suivre, la voie de la sunna. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que le cheikh il mentionne maintenant, il dit wal amr athani i'lamu ayyuha almuslimun wal muslimat an al'amal yunzaru ilayhi min jihatayn ihdahuma zahira wa hadhihi aljiha hiya allati yuhkamu min khilaliha على العمل صحة وفسادا فيحكم عليه بالصحة إذا كان موافقا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم عليه بالفساد إذا خالفها وهاكم برهانا على ذلك. Donc le cheikh il commence le deuxième point qu'il explique ici en disant que sachez, ô vous les musulmans et les musulmanes, que l'action, on la regarde de deux points de vue. Un point de vue qui est apparent et un autre point de vue qui est caché. Donc le point de vue qui est apparent, c'est... on va déterminer par ce point de vue là si l'action il est valable ou non, c'est à dire on va déterminer l'action en question si elle est valable ou non. Donc il dit l'action on regarde de deux points de vue, un point de vue qui est apparent et là c'est ça qui va déterminer par rapport à l'action est-ce qu'elle est valable ou est-ce qu'elle n'est pas valable. Et on va juger ça par le fait que l'action soit en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam ou non. Donc si elle est en contradiction avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, donc ça prouve que l'action n'est pas valable parce qu'elle est en contradiction, elle n'est pas en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va déclarer que cette action-là, elle contredit, donc elle n'est pas bonne. Et on va vous donner la preuve de ça. هَاكُمْ بُرْهَانًا عَلَى ذَلِكَ حَدِيثَ الْمُسِي صَلَاتَهُ وَالَّذِي يَعْرِفُهُ أَبْنَاؤُنَا وَبَنَاتُنَا فِي الصُّفُوفِ الْإِبْتِدَائِيَةِ وَذَلِكُمُ الرَّجُلُ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمْ سلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات ثم قال بعد الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم هل حكم على هذا ما هو باطن من عمله أو على ما هو ظاهر؟ Donc le cheikh il dit que la preuve de ça c'est dans le hadith de la personne qui a fait sa prière incorrectement. Et ça c'est un hadith qui est célèbre, il est connu par ce nom-là le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et il est rapporté également par l'imam Muslim. Il dit dans ce hadith, donc ce hadith-là, hadith al-Musi, al-Musi salatahu, il est très connu. Hein? Il dit que même les enfants au primaire, ils connaissent ce hadith-là. Même les enfants au primaire, ils connaissent ce hadith-là. C'est le hadith qu'un homme était venu dans la mosquée, il a fait la prière, hein? Puis il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le saluer. Puis il lui a fait le salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu au salam et puis lui a dit, retourne prier parce que tu n'as pas prié. Retourne, fais ta prière encore une fois parce que tu n'as pas prié. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il a fait ça pendant 3 fois de suite. Donc imagine, il devait être, hein, devait être un peu fatigué après. Ou bien, disons, à la fin des, après avoir fait ça 3 fois, il était un petit peu découragé. Il a dit, oh messager d'Allah, je connais pas plus que ça. Qu'est-ce que tu m'as vu faire comme prière? C'est le maximum que je connais. Alors, s'il te plaît, enseigne-moi, hein. Apprends-moi comment prier. Parce qu'il est allé, il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prie parce que tu n'as pas prié. Il est revenu, il est retourné faire sa prière, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose encore une fois. Et une troisième fois, la même chose. Alors à la fin, il a dit, ô messager d'Allah, apprends-moi comment prier. Alors, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a à ce moment-là enseigné la façon correcte de faire la salat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le cheikh il dit, فالنبي صلى الله عليه وسلم هل حكم على ما هو باطن من علمه أو على ما هو ظاهر وعلى ما هو يعني على ما هو ظاهر هكذا أهل السنة يعني يعرضون ما يرد عليهم عن الناس من أقوال وأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه وبغض النظر عن المخطئ يعني بغض النظر عفوا بغض النظر عن المخطي أمن أهل السنة أي نعم بغض النظر عن المخطي أمن أهل السنة هو أو من أهل البدعة هو الخطأ غير مقبول عند أهل السنة فهم إذن يحكمون على ظاهر الأعمال والأقوال فقط. Donc le cheikh il dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a jugé de la prière de la personne en disant qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas correcte, est-ce que il a jugé ça en se basant sur quelque chose qui était intérieur à la personne, caché, ou bien c'est basé sur quelque chose d'apparent et d'extérieur? Eh bien la réponse est qu'il s'est basé sur quelque chose d'extérieur, quelque chose d'apparent. Parce que il y a quelque chose d'extérieur qui est apparent, parce qu'il le voit en train de faire la prière, il sait qu'il ne prie pas correctement, il priait trop vite, hein, il ne faisait pas les mouvements comme il faut. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé, hein, et le cheikh il dit, c'est ainsi que les gens de la sunna tout ce qui se fait comme parole, ou tout ce qui se dit comme parole et tout ce qui se fait comme action, ils le mettent dans la balance de la sunna, hein, pour savoir si la chose en question elle est acceptée ou non. Et il dit, tout ce qui leur est présenté comme action, comme parole et action, il s'est placé à côté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui est en accord avec sa sunna, on l'accepte. Et qu'est-ce qui est en contradiction, on le rejette. C'est aussi simple que ça. Yani, sans tenir compte de la question, est-ce que celui qui a fait l'erreur, il fait partie des gens de la sunna ou non? Donc, c'est-à-dire que l'erreur, il dit le cheikh, l'erreur, peu importe de qui elle est faite et de qui elle vient, eh bien, yani, peu importe que les gens qui ont fait l'erreur soient des gens de la sunna ou des gens de la bid'a, du moment que c'est une erreur, eh bien, l'erreur ne peut pas être acceptée selon Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire qu'il faut la corriger, il faut la rejeter. On n'accepte pas l'erreur, peu importe de qui l'erreur vient. Et le cheikh, il dit donc, les gens de la sunna, ils jugent uniquement selon ce qui est apparent. Ils jugent uniquement ce qui est apparent des paroles et des actions. Le deuxième point, donc on a dit que la première chose, c'est que par rapport à qu'est-ce qui est apparent. Parce que il a dit le cheikh qu'on regarde aux actions de deux points de vue. Le premier point de vue, c'était du point de vue apparent. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue intérieur, caché. Donc, sur le point de vue apparent, on a dit que les actions, on regarde si elles sont acceptées en se basant sur le fait qu'elles soient en accord avec la sunna ou non. C'est ça qui nous donne l'indice, si elle est acceptée ou non. Le deuxième point de vue, c'est du point de vue intérieur. Le cheikh, il dit, « وَأَمَّا الْجِهَةُ الثَّانِيَةِ جِهَةٌ بَاطِنِيَةٌ فهذه يحكم بصحتها إذا كانت خالصة وفسادها إن كانت غير خالصة ولكن من الذي يطلع عليها هو الله سبحانه وتعالى وبهذا تعلمون بالإضافة إلى ما سبق أن اتهام أهل السنة على التدخل في نيات الناس هو باطل من القول بل هو والله وبالله وتالله زور وحور وبهتان. Donc le cheikh, il dit que du deuxième point de vue, on regarde l'action sur le plan intérieur et yani on va déterminer donc de la validité de l'action en question, à savoir, est-ce que l'action est faite avec sincérité? Est-ce qu'elle est faite avec ikhlas? Est-ce qu'elle est faite purement pour Allah seul? Et donc, ici, c'est la question de as-siha, yani, et la question de savoir si elle est valable ou non. Elle est seulement valable sur le plan intérieur si elle est basée sur la sincérité et la pureté d'intention, qu'on l'a fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est qui est-ce qui regarde le cœur? Et c'est qui est-ce qui voit la sincérité dans le cœur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et c'est ainsi qu'on peut savoir, hein, en plus de ce qu'on a mentionné précédemment sur la question de la validité de l'action sur le plan extérieur, des apparences, qu'est-ce qui est apparent, on a dit qu'il faut que ce soit en accord avec la sunna. Mais il dit en plus de ça, yani, les gens de Ahl Sunnati, les gens de la Sunna, certains, ils les accusent de rentrer dans les intentions des gens. Il dit, ah, vous, vous rentrez dans les intentions, vous jugez les intentions des gens, vous rentrez dans leur, vous essayez de rentrer dans leur cœur pour savoir pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Ça, c'est Allah qui sait seulement, hein. Des fois, ça arrive comme ça. Et le cheikh, il dit ça, c'est une parole totalement fausse. Et je jure par Allah, hein, que c'est une calomnie et un blasphème et une fausse, un faux témoignage et une parole injuste que de dire ça. Il dit bal huwa wallahi wa billahi wa tallahi zurun wa jawrun wa buhtan fala a'lamu alimu sunna qadiman aw hadithan حكم على الباطل بل هم يحكمون على الظاهر ولكن أهل البدع من شدة يعني من شدة حنقهم على أهل السنة تتفطر أكبادهم وتتقطع قلوبهم وتتصدع رؤوسهم إذا لم يحكموا أو إذا لم إذا لم يحبكوا حبكة ضد أهل السنة فإن كانت في نفوسهم هي ضرب من الباطل ومنها قولهم هذا يتدخلون في نيات الناس والكتاب والسنة والإجماع يكذب هذا ويؤكد ما قلناه أن الحكم على الظاهر أما الباطن فموكول إلى الله عز وجل. Donc le cheikh il explique, il dit que il y a pas un savant de la sunna dans le passé ni aujourd'hui qui juge l'intérieur des gens ou leur intention, mais plutôt il se base sur qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui est extérieur. Mais les gens de la bid'a, hein, à cause de leur haine et de leur opposition aux gens de Ahl Sunnah, leur cœur se déchire et leur cœur leur foi s'éclate, yani, et leur cœur se déchire et leur tête elle leur fait mal si ils ont une critique de la part des gens de la sunna, même si donc c'est ça le cheikh il dit, alors à cause de ça c'est pour ça qu'ils disent vous rentrez dans les intentions des gens. Pourtant il dit le Coran et la sunna et le consensus contredit ce que ces gens-là prétendent et ce qu'ils disent et confirme ce que nous avons dit, que le jugement est basé uniquement sur qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui est intérieur, l'intention de la personne, c'est Allah qui va le juger seulement, pas nous. Et le cheikh il dit وَثَمَّتَ أَمْرٌ ثَالِثٌ وَهُوَ مَا مِمَّا رَأَيْتُ أَنْ أُقَدِّمَهُ بَيْنَ بين شرح هذا الكتاب المبارك صحيح سنن ابن ماجه جزى الله المؤلف والمصحح خير ما يجزى به إماما عالما صحيح الاعتقاد والمنهج فيما نحسب وخير ما يجزي به عباده الصالحين. والأمر الثالث أقول وقد كررته ولكن أظنه قد جدت ووافدة علينا وجوه جديدة حياها الله. أقول للأعمال أربعة أصناف لا خامس لها حتى الساعة فيما نعلم، أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على السنة، والثانيها ما كان خالصا لله وليس صوابا على السنة، وثالثا ما كان صوابا على السنة وغير خالص لله، ورابعها ما كان غير خالص لله وليس صوابا على السنة. وهذه الأصناف الأربعة ليست كلها مقبولة عند الله، المقبول واحد منها وهو الأول. لماذا؟ لأنه جمع الشرطين وهما تجريد الإخلاص وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Donc on va traduire ça. Le troisième point qu'on voulait mentionner ici, c'est ce que le cheikh il explique ici. Il dit que j'aimerais, il dit, j'ai vu que ce serait bien de faire cette introduction avant de commencer le charh. C'est le charh de Sahih Sunan Ibn Majah. Que Allah récompense l'auteur et celui qui a fait le tasheeh, Cheikh Al-Albani, qui a distingué entre les hadiths authentiques et les hadiths qui sont faibles dans son livre. Il a pris Sunan Ibn Majah, il a écrit Sahih, il a fait le Sahih avec les trois volumes séparés, puis Da'if Ibn Majah, il a mis les hadiths Da'if dans un volume séparé. Et maintenant, tu peux trouver même des éditions de Sunan Ibn Majah dans lequel il y a le tahrij de chaque hadith au début, avec selon le tahrij de Cheikh Al-Albani. Donc ça facilite beaucoup les choses pour les musulmans, de savoir quel hadith est sahih et quel hadith ne l'est pas, juste en prenant sahih Sunan Ibn Majah, et tu connais le hadith sahih, t'as pas besoin de te casser la tête. Donc ça, c'est un grand travail que Cheikh Al-Albani l'a fait, hein, comme le Cheikh il le dit, que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense d'une façon immense pour ça. Yani. Et le Cheikh il dit ensuite, troisième chose, c'est que, je l'ai déjà dit, il dit, mais je répète, comme je l'ai dit à d'autres occasions, mais là il dit, je sens qu'il y a des nouveaux visages, hein, il y a des nouvelles personnes. Donc il dit que les actions qu'on fait sont de quatre catégories. Il y en a pas cinq, il y en a que quatre jusqu'à maintenant. Et la première, c'est quoi? Il dit il y a quatre possibilités par rapport à nos actions. Il dit ce qui est pur et fait sincèrement pour Allah seul et qui est en accord avec la sunna. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, ce qui est fait avec ikhlas, c'est sincère pour Allah seul, mais c'est en contradiction avec la sunna. Le troisième, c'est qu'est-ce qui est en accord avec la sunna mais qui n'est pas fait avec sincérité pour Allah. Puis le quatrième, c'est ce qui n'est pas fait avec sincérité pour Allah et qui n'est pas en accord avec la sunna. Donc la seule exemple qui est acceptable et qui est valable dans ces quatre exemples, c'est la première, ce qui est fait avec sincérité pour Allah seul et ce qui est en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces quatre cas, comme on a dit, c'est seulement le premier. Pourquoi c'est seulement le premier? Parce qu'il a réuni les deux conditions de la validité des actions. Le fait que l'action soit faite avec sincérité, purement pour Allah seul, et le fait que l'action soit faite uniquement selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ensuite, « Wa qala ahlul ilm kadhalik al-amalu in faqada l'ikhlas » لله كان رياء وشركا وإن كان وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة وإن جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة كان عمل الموحدين كان عمل المتشرعين الذين يتبعون الشرع في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم. Donc le cheikh il dit, les hommes de science ont mentionné que l'action, si elle est faite avec ikhlas, si elle a perdu l'ikhlas, c'est-à-dire quelqu'un il fait par ostentation où il est fait du shirk dans ses actions, hein? Donc Si l'action n'est pas faite avec ikhlas, n'est pas faite avec sincérité, et n'est pas faite avec pureté d'intention pour Allah seul, alors cette action-là, c'est du shirk. Si l'action, elle a perdu, ou elle n'a pas été faite en accord avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, c'est quoi? C'est une bid'a. C'est une innovation. Il dit, et si elle réunit les deux, la bonne intention, la sincérité pour Allah seul et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas cette action là fait partie des actions des gens de la sunna. Et le dernier point, c'est si l'action, donc c'est ça, si elle est avec ikhlas et elle est en accord avec la sunna, donc c'est l'action des gens de la sunna, des gens qui sont sur le tawhid, des gens qui suivent l'exemple de la charia dans leurs paroles et dans leurs actions et dans leurs croyances. Barakallahu fik. Ça, c'est une bonne question, en fait. Le frère, il pose la question, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc ça veut dire que les œuvres ne valent que selon leurs intentions. Donc si c'est le cas, donc pourquoi dire que, par exemple, il faut avoir les deux conditions, puisque dans le hadith, on mentionne que c'est seulement comme si c'est l'intention qui est importante. Et la réalité, en fait, c'est que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam se complètent les uns les autres. Donc c'est parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre l'emphase sur l'importance de l'intention, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule condition pour que l'action soit valable. Quelqu'un peut avoir une très bonne intention, mais s'il fait ses œuvres sans science, ça ne sera pas valable. S'il fait les œuvres sans respecter les conditions de la sunna, son œuvre ne sera pas valable. D'accord? Donc toi tu peux, par exemple, tu dis, bon, je vais faire le doua à Allah, je vais faire la salat pour Allah, mais qu'après tu fais ta salat n'importe comment, sans suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, ça ne sera pas accepté, tu vois. Le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est de regarder, par exemple, dans le livre de l'imam al-Nawawi, les 40 hadiths. Et tu vois que l'imam al-Nawawi, il a commencé son livre par le hadith « Innama al-a'malu bin-niyyat ». Puis, quelques hadiths plus tard, après avoir expliqué les piliers de l'islam, il mentionne, le quatrième hadith, dans lequel il cite le hadith rapporté selon Aïcha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man amila amalan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Donc ça veut dire que il faut tenir compte de ces hadiths là ensemble. Innamal amalu bin niyyat, ça c'est la première condition. Puis l'autre condition, c'est du suivi, que l'action soit en accord avec le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le hadith qui dit, celui qui invente quelque chose dans notre religion ne sera pas accepté, donc ça sera rejeté. Donc ça, c'est la preuve que ça, c'est pas suffisant juste d'avoir la bonne intention, il faut aussi être en accord avec la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni les deux choses. C'est-à-dire, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. La définition de الْعَمَلُ الصَّالِحِ, c'est un acte qui est en accord avec la sunna et dans laquelle il n'a rien associé avec son Seigneur. Si ça ne respecte pas ces deux conditions-là, alors c'est même pas cette action-là ne sera même pas qualifiée de salih. Tu comprends? Naam. Donc ça, c'est ce qui clarifie donc ta question. Après, le cheikh, il explique et il dit Naam. Donc si l'action est en accord avec l'ikhlas et en accord avec la sunna, donc dans ce cas-là, c'est l'action des gens de la sunna, l'action des gens du tawhid et de ceux qui se limitent à la charia et qui suivent la charia dans leurs paroles et dans leurs actions et dans leurs croyances. Il dit ومن هنا كان ابن ماجه ومن سبقه مثل البخاري ومسلم ومن جاء بعدهم من أهل الإمامة في العلم والدين يهتمون بدعوة الناس إلى السنة، وهذا المسلك يدونون فيه ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمعرفة السنة معرفة صحيحة. فجهة الباطن هذه إصلاحها بالإخلاص، وجهة الظاهر في العمل هذه إصلاحها بفقه السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Majah et ceux qui l'ont précédé parmi les imams de la Sunna, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, et ceux qui sont venus après eux parmi les gens de science, parmi les imams de la science et de la religion, ils ont tous donné une importance au fait d'appeler les gens à la Sunna et de s'accrocher à la Sunna. Et donc cette voie, c'est yani, on voit que qu'est-ce qu'ils font, ils écrivent des livres sur la Sunna, et dans les chapitres on retrouve des chapitres qui expliquent ce qui est authentique de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, sur l'importance de se limiter au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ça, c'est pas possible de le faire excepté en ayant une connaissance de la Sunna authentique, hein, en connaissant la Sunna d'une connaissance authentique. Et en ce qui concerne le point de vue de l'intérieur, qu'est-ce qui vient corriger cet aspect intérieur? C'est par la sincérité, par la pureté de l'intention et la pureté dans nos œuvres, pour qu'on les fasse uniquement pour Allah seul. Et sur le point de vue de qu'est-ce qui est apparent dans nos actions, qu'est-ce qui vient le réformer et le corriger? C'est d'avoir la compréhension de la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce sujet-là: celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Yufaqqihu fi ad-din. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le Cheikh il dit ensuite: فإذا تقررت هذه الأسس التي نراها واجبا علينا ذكرها وتقريرها إن تكررت واجب ندين الله به نحو أبنائنا وبناتنا من طلاب العلم وطالباته ننتقل إلى الأحاديث الثلاثة وقبلها ننظر في تبويب الإمام ابن ماجه رحمه الله. Donc il dit, si on a compris donc maintenant ces fondements là, hein, et qu'on les considère comme étant obligatoires pour nous de les mentionner, de les répéter, parce que c'est une obligation que nous prenons comme étant une chose obligatoire dans notre religion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, par rapport à nos filles et nos fils parmi les étudiants en sciences et les étudiantes en sciences, hein, donc nous devons leur rappeler ces fondements-là. Et nous passons ensuite à l'explication des trois hadiths du chapitre que nous avons récité au début. Mais avant cela, nous commencerons par le fait de regarder le titre du chapitre, le titre du chapitre que l'imam Ibn Majah a mis pour ce chapitre-là. Comment il l'a intitulé et qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette appellation, du nom qu'il a donné au titre. Parce que les imams de la Sunna, souvent, quand ils écrivent un livre de hadith, le titre qu'ils donnent au chapitre, dans le titre, il y a l'explication, en fait, et la raison pour laquelle ils ont mis le hadith à cet endroit-là. Et c'est comme si, en réalité, leur leur position, ils l'exprimaient par le titre qu'ils donnent au chapitre. Hein? C'est comme si le titre, c'est pour dire, par exemple, l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il mentionne les hadiths à ce sujet. Donc, le titre, c'est pour expliquer qu'est-ce qui va être que ce qui est mentionné comme hadith dans ce chapitre-là, c'est la preuve de ce titre. Hein? C'est ce qui vient établir, hein, qu'est-ce qui est mentionné dans ce titre. Donc, le titre de ce premier chapitre dans l'introduction de l'imam Ibn Majah, c'est Bab Uttiba' Sunnah. Bab Uttiba' Sunnah. Il dit وَلِاتِّبَاعُ مَعْنَاهُ التَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ وَلِاقْتِدَاءُ بِآثَارِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا. هذه الأحاديث الثلاثة اتفقت كلها على ما يأتي. Donc, le chapitre s'intitule le chapitre au sujet du suivi de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le suivi, qu'est-ce que ça veut dire? Al-ittiba, il dit le cheikh, la signification ici de al-ittiba, c'est-à-dire de se cramponner à la sunna, et de s'accrocher à la sunna, et de prendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple et comme modèle dans nos paroles, dans nos actions et dans notre croyance. Et donc, ces trois hadiths qui sont mentionnés dans l'introduction de ce chapitre, si vous voulez, je vais les relire. Comme ça, vous allez savoir de quel hadith il s'agit. An Abi Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma amartukum bihi fakhuduhu, wa ma nahaytukum anhu fantahu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. Donc le premier hadith, hein, comme j'ai dit, ce que je vous ordonne, prenez-le. Et ce que je vous interdis, abstenez, hein, cessez de le faire. Le deuxième hadith selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant que je vous dis pas quelque chose, hein, tant que je vous laisse, alors yani, ne me posez pas de questions sur des choses. Parce que qu'est-ce qui a fait périr les gens avant vous, c'est la quantité de questions qu'ils posaient à leur prophète, et ainsi que leur divergence avec leur prophète. Il dit, si je vous ordonne quelque chose, prenez-en ce que vous êtes capable, et si je vous interdis de quelque chose, alors cessez. Et le troisième hadith, encore une fois selon Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Celui qui m'a désobéi, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les trois hadiths en question. Et le cheikh, il explique à ce sujet-là quelques points. Donc on va lire ces trois points, puis après on va passer à notre autre cours, inshallah. Le cheikh, il dit, le premier point, « Awwalan, wujubu ittiba' as-sunnah, wa annahu la yasughu li muslimin an ya'dila an dhalika, qida an mulah. » وبهذا أوصى أئمة السلف فمن تلكم الوصايا قول الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد من البشر وهذا متفق عليه بين أئمة العلم والإيمان والهدى. Donc le premier point, l'obligation de suivre la sunna, et il dit que il n'est pas permis pour un musulman de se détacher ou de s'écarter de la sunna, même de la distance d'un bout de doigt. Il dit Et c'est ainsi que les imams de la sunna ont enjoint aux musulmans de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les exemples de ces consignes de la part des imams, la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui a dit, les musulmans se sont mis tous d'accord sur le fait que quiconque pour qui une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée, il ne lui est pas permis de laisser cette sunna pour la parole de quiconque parmi les hommes. Quiconque, c'est-à-dire les musulmans sont d'accord sur le fait que si une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée à quelqu'un, il n'a pas le droit de laisser cette sunna ou de la délaisser pour la parole de quiconque parmi les hommes. Et cette parole, elle est rapportée dans I'lam al-Muwaqqi'in par l'imam Ibn al-Qayyim. Et ça, cette parole, c'est une parole sur laquelle les imams sont tous d'accord, parmi les hommes de science, de foi et de guidance. Le deuxième point, il dit « Anna hadha mabna shari'ata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam »« Anna mabna shari'ata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam » على التيسير ودفع الحرج والمشقة عن الأمة وهذا الأمر ينظر فيه إلى الشرع وحده ولا ينظر فيه إلى عقول البشر ولهذا جاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وهذا مصداقه في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وما أحسن ما قاله الناظم العلامة ابن السعدي رحمه الله ليس واجبا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وسوف إن شاء الله نوضح هذه القاعدة حينما يأتي لها مناسبة إما في هذا الكتاب أو في غيره ومنه إن شاء الله وعد لكم علينا بعرض شرحنا للقواعد الفقهية عليكم إن شاء الله إن طالت بنا وبكم الحياة ومن سبق إلى الآخرة فنسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. Donc le deuxième point, il dit que la base de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la facilité et le fait de repousser la gêne et la difficulté de la Ummah. Et ça, c'est une chose dans laquelle on doit analyser ou regarder selon la révélation uniquement. Et on ne va pas se baser là-dessus sur la raison des hommes. C'est-à-dire que on se base sur la charia pour déterminer qu'est-ce qui est la facilité dans la religion et comment la religion est facile. On se base pas sur la raison. Et le cheikh il dit, et ça c'est mentionné dans les différentes narrations de ce hadith, des hadiths qu'on a mentionnés, ce que je vous ai ordonné, prenez-en ce que vous êtes capable. Et qu'est-ce qui vient confirmer cela? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, verset 286, dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il va pas mettre sur une âme une charge qu'elle ne peut pas porter. Et dans le verset 16 dans sourate Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah le plus que vous pouvez. Et également la parole de An-Nazim, Ibn Sa'di, Abdurrahman Sa'di, dans son poème sur les règles de la du fiqh, il dit wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma' al-tirari. Donc il explique ce principe là, laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma' al-tirari, c'est-à-dire wa la muharramun ma'a al-tirar, c'est-à-dire s'il y a une nécessité, il y a pas de, dans ce cas-là il y a pas d'interdiction, parce que les ulama ils disent la règle c'est al-darura tubih al-mahdhura, al-darura tubih al-mahdhura, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est une nécessité, ça rend licite ce qui est interdit. Ça, c'est la deuxième partie du poème. Et il dit « Walaysa wajibun bilaqtidari » Ça, je ne sais pas exactement, je ne suis pas certain, mais je vérifierai dans l'explication de cette partie-là, puis je vous donnerai l'explication au prochain cours, Inch'Allah, de cette première partie. Après, il dit, Inch'Allah, il dit, je vous promets que je vais vous expliquer cette règle, soit dans ce livre-là ou bien dans un autre, Inch'Allah. Et je vous promets, il dit, je vous promets que je vais vous faire l'explication, je vais vous faire lire notre charh des règles de fiqh de Cheikh Saadi, parce que le Cheikh, il a un charh de ce livre-là, sur les règles de Cheikh Abdurrahman Saadi, au sujet des règles de fiqh, al-qawa'id al-fiqhiyya. Donc, il dit, je promets que je vais le faire. Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous prolonge notre vie, à nous et à vous, et celui qui précède l'autre dans l'au-delà, on demande à Allah qu'il fasse que sa tombe soit pour lui un jardin parmi les jardins du paradis. Il dit ensuite, point numéro 3, سِرٌ لَطِيفٌ عَظِيمٌ يَدُلُّ على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بالأمة وذلكم السر مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فخذوه فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا هذا تنبيه إلى أن الأوامر معفو عنها في حال العجز يزيد هذا وضوحا وتوكيدا بالإضافة إلى ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فبان بهذا الحديث الصحيح أمران الأول أن الأصل في الصلاة في صلاة الفرض القيام ففيه دليل على أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة والثاني بطلان صلاة من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام وكذا من صلاه على جنبه مع قدرته على القعود. Le Cheikh il dit comme troisième point un secret qui est subtil mais qui est très important et qui indique la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa ummah. Et ce secret, il est tiré de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, si je vous ordonne quelque chose, prenez-le, tant que vous êtes capable. Toutefois, si je vous interdis une chose, cessez de le faire. Hein? Et il dit, il y a dans ça une indication importante sur le fait que les ordres, hein? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire quelque chose, si on est dans un état d'incapacité ou de faiblesse, eh bien on est excusé. Si on est incapable de faire quelque chose, on est excusé. Donc il nous dit, faites-en ce que vous êtes capable. Donc si on n'est pas capable, on est excusé dans ce cas-là. Et ça c'est important, beaucoup de gens ne savent pas ça, hein? Que ce soit dans les grands aspects de la charia, des choses plus grandes ou des choses quotidiennes, des choses qui sont des fois des choses grandes comme le djihad ou d'autres choses qui ont rapport avec des choses importantes qui sont très grandes et qui nécessitent des décisions de la part des responsables et des dirigeants et autres, ceux qui sont responsables de la Ummah. Et également dans d'autres cas, dans des situations ou des adorations qui sont quotidiennes et qu'on fait au jour le jour, chaque jour, on le fait plusieurs fois, comme la salate, par exemple. Et le cheikh, il donne comme exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça clarifie, ça rajoute de la clarté et de la compréhension, hein, ça confirme qu'est-ce qu'on vient d'expliquer. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, prie debout. Et si tu ne peux pas, si tu n'es pas capable, prie assis. Et si tu ne peux pas, si tu n'es pas capable, alors prie sur le côté, hein, allongé. Et donc, on peut comprendre dans ce hadith-là deux choses. La première chose, c'est que la base dans la salat obligatoire, c'est que tu dois prier debout. Hein? Et il y a dans ça la preuve que parmi les piliers de la salat, il y a le fait de prier debout. Quand on commence la salat, on est debout, quand on a la capacité de le faire. Le deuxième point, c'est l'invalidité de la salat, l'invalidité de la salat de celui qui prie assis dans la prière obligatoire alors qu'il a la capacité de prier debout. L'invalidité de la salat de la personne qui a prié assis dans la prière obligatoire alors qu'il est capable de prier debout. Et il dit la même chose pour la prière de celui qui a prié assis. La prière de celui qui a prié allongé sur le côté alors qu'il est capable de prier assis, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste un petit exemple, une petite règle que le cheikh a mentionné, qui est très intéressant, très bénéfique pour le musulman. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et inshallah on continuera la suite au prochain cours inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.